Express, Express. Hey, je suis-tu là, là? T'es là, là. Ça s'en vient, là. Ça commence comme ça. Pour l'écouter. 89. Oh. Tu te rappelles la phrase? Peut-être que non. Ça va être là, la phrase. Attention, là, elle s'en vient, là. Okay. Tu es prête? Oui. Es-tu là? Non? Ça va être là. Décidez de la radio campus de Trois-Rivières. C'est les palmarès, c'est fou. Bonjour et bienvenue à l'édition complète des Palmarès Fou pour la semaine du 19 août au 1er septembre 2013. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Stéphanie Paradis. Mm-hmm. Et bienvenue à une nouvelle saison des Palmarès Fou, automne 2013. Toujours Stéphanie Paradis qui a animé avec moi cet été Assemblage Requis à la plage. Autant que je le pouvais. Autant que, oui, c'est ça, les fois où tu pouvais, c'est ça. Avec Jean-Philippe Charbonneau aussi, bien sûr. Jean-Philippe qui est de retour au matin avec moi à Assemblage Requis à partir du mardi 3 septembre. Exactement, on s'est resplitté. Donc, moi et Jean-Philippe, nous ne faisons plus une entité unique. C'est ça, la fusion, la symbiose est terminée. C'est terminé, non, fini. C'était comme trop de poils. Ouais. Pour lui, tu sais, il n'est pas habitué. Il n'est pas habitué à ça. Donc, j'ai dit édition complète. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on a un nouveau concept, une nouvelle formule. Cet automne, on parlera assez fou. Et il faut un petit peu d'explication pour les gens qui vont nous suivre en direct les jeudis après-midi entre 15h et 18h dans notre édition normale, au complet, live des Palmarès assez fou. Donc, on va faire une émission de 3h comme toujours. Mais cette année, la nouveauté, c'est qu'on va être rediffusé les lundis, mardis, mercredis à 17h. Donc, version quotidienne. Donc, on va être en pièces détachées. C'est super concept. Concept pour Assemblage Requis, moins pour les Palmarès assez fou. Mais bon, point. Donc, ce qu'on va faire, c'est 3 heures séparées, 3 heures indépendantes. Il va y avoir dans la première heure, entre autres, les nouvelles entrées. Rien de moins. Évidemment, il faut bien commencer par quelque chose. Une nouvelle entrée qu'on pourrait appeler le New Shit. Ah oui? New Shit. Il va y avoir dans cette première heure-là aussi le Palmer Rest in Peace. Dans la deuxième heure, on va avoir Justine Renaud, une semaine sur deux, à partir de la semaine prochaine. Ah, j'ai hâte. On va s'ennuyer d'elle pour cette semaine. Deuxième heure, d'autres choses aussi, sûrement là-dedans. Le top 10 musical des Palmarès assez fou. Et la troisième heure, ça va être les numéros 5 à 1. Ouh. Donc, le sommet du sommet. On va savoir d'ici la fin de cette émission de 3 heures, en fait, qui sont nos numéros 1. La semaine passée, dans le précédent palmarès qui se terminait le 18 août, du côté anglophone, le numéro 1 était Sweet Mountain River de Monster Truck. Et du côté francophone, c'était Bravo Funken et Tu t'es mise à crier. Je me demande cool. Si c'est encore là. On va savoir dans 3 heures, mais dans 3 heures? Dans 3 heures. Non, maintenant? Non? Non? Oh. Non, pas tout de suite, dans 3 heures. Parce que maintenant, juste là, c'est le moment de commencer la première heure. Donc voici les Palmarès assez fous, édition New Shit. Bonjour et bienvenue à la première heure des Palmarès assez fous. Les Palmarès assez fous, édition New Shit. Elle, c'est Stéphanie Paradis. Lui, c'est Mathieu Plante. Oui, et cette première heure-là va contenir les nouvelles entrées du Palmarès. C'est ce qu'on va faire toute la session, donc dans la première heure ou l'édition du lundi, comme vous le voulez. Donc, dans cette première heure, donc les nouvelles entrées seront Caveman, Dinosaur Bones, San Cisco, Jay Arner et Rara du côté anglophone. Et du côté francophone, une seule nouvelle entrée en 20e place dans cette vie de Félix-Antoine Couturier. Génial, mais on commence avec ce gars-là, FAC. FAC, on commence avec ça. Félix-Antoine Couturier. C'est pas... Fader. Félix-Alexandre Désilé-Rousseau. Non, Félix-Antoine. Félix-Antoine, excuse-moi. C'est un Félix-Antoine aussi. C'est pas non plus Marie-Pierre Laforge-Bourret. Ça, c'est... voyons. Marie Chetera. Maple Bee, exactement. Plein de surnoms, c'est tellement agréable. Donc, on s'en va écouter, c'est Félix-Antoine Couturier. Son nouvel album s'appelle Fuir le plancher. Et ça commence comme pas mal là. Hein? Exactement. Bonne émission. Ouais. J'avais 9 ans il y a 3 secondes. J'étais presque en contrôle du monde. Libre et léger. Pris dans mon soude de neige. Je voyais mon père plus grand que le monde. Avec ses airs et ses chansons. Si je reste moi-même, est-ce que je suis toujours avec lui? Dans cette vie. Dance.

Les deux nouvelles entrées en 20e place, on vient d'entendre Rara et Twenties sur l'album The Poet's Dead. Et tout juste avant, du côté francophone, on a entendu Dans cette vie de Félix-Antoine Couturier. Un bon bloc. Poppy? Je suis satisfait pour un bloc qui débute une saison, c'est pas mal bon. Satisfaisant. Mm-hmm. Du côté franco, on n'a plus de nouvelles entrées, donc on va rester un petit peu en anglo pour quelques moments. Pourquoi pas, hein? Maman! Plus tard, il y aura Caveman, Dinosaur Bones, San Cisco, mais on va débuter en 19e place. Et c'est Midnight on South Grandville de J.R. Comment? c'était parfait. C'était parfait. Cet été, on jouait un petit peu moins de palmarès. On avait moins d'occasion de dire des mots en anglais tout le temps de même. Oui, je dois me délier la bouche. Et voilà, on doit reprendre nos bonnes habitudes. Et ne pas oublier que quand on arrive à l'émission, il faut dire l'ancien numéro 1. Potentiellement. Donc, de ne pas faire comme « Non, Mathieu, dis-le, s'il te plaît! » On va se prendre des notes, des petits crochets, c'est toujours bien utile, tout ça, des petits cercles. Ouais, est-ce que tu reviens cette année avec tes nuages, tes fleurs, tes carreaux? Je dirais que non, je dois avoir la tête ailleurs, là, j'ai rien coché, j'ai rien fait. Mais une chance, on a juste joué deux pièces à date. Donc, pas trop mêlant. Je suis encore ça correct. Ça va, ouais. Tu disais « Jay Arner ». Moi, j'ai dit ça. Ben, si ça peut te faire plaisir, allons-y à l'instant. Okay. Parfait. Yeah. Mm-hmm. De ton palmarès, c'est fou! 89.1 FM. I got numéro 17, nouvelle entrée. Numéro 16, nouvelle entrée. I'm not afraid to die. c'était les nouvelles entrées du côté anglophone. On va entendre Caveman et In the City, position numéro 16. En position numéro 17, c'était Nothing Left Between the Lines de Dinosaur Bones. Avant, en position 18, c'était San Cisco et Awkward. Et on a débuté le bloc en 19e place et Midnight on South Randville de Jay Honor. Oh yeah! Donc ça fait quoi, 6 nouvelles entrées de, en tout? Toutes savoureuses. Deux en tout, oui. Mes oreilles aiment ça. Est-ce que c'est aussi savoureux que ton truc qui a l'air visqueux de ce côté-là? C'est quoi ça? C'est un smoothie. OK. OK. Commence bien. D'habitude, je pars toujours avec une recette. J'aime pas tant l'improvisation parce que j'ai toujours des surprises. Et je te dirais que cette fois-ci, c'en est une grande. Des surprises ou des mauvaises blagues dans notre cas? L'improvisation, parce qu'on improvise en gros. Ouais, c'est ça. Et je crois que j'ai découvert la recette non médicinale du tempra. OK. Pour les enfants, les oui, c'est pilules ça. Comme de la crème. Non, c'est pas des pilules, c'est un petit liquide rouge. Oh. Tu sais, le tempra aux cerises, pardon. J'étais sûr que c'était mauve, moi, cette affaire. Mais ça dépend peut-être de la saveur que ta maman achetait. Moi, c'était le rouge, le tempra aux cerises. Donc, quand tu fais de la fièvre, tu prends ça. Ben, ça goûte un peu ça, fait que c'est un peu bizarre. Désagréable. Mais pourtant, c'est aux framboises. Fait que... Pas logique du tout. Pas logique du tout, un peu comme... tu sais, on disait qu'on improvisait, puis ça faisait des affaires, des malaises un peu. C'est un peu le but des palmarès. C'est fou d'être le plus malaisant possible. Là. Désolé pour ceux qui n'aiment pas ça. Puis je pense qu'on l'a. Je pense qu'on l'a. En effet, la twist, on a la twist. Pas comme certains endroits où ils vont te donner, mettons, des légumes avec ton repas, c'est des fois. On parle évidemment pas proche d'ici, là, vraiment pas, parce que c'est très, très bon ici. Non, c'est très général. Mais ailleurs, en général, tu sais. Ils donnent des légumes qui sont un petit peu brunards, tu sais, ou verts. Et là, un ami à moi me disait, il me semble, ils sont pas bons, ces légumes-là. Je trouve que c'est bizarre, je veux pas, j'aime pas ça du tout. Moi, je disais, ouais, c'est vrai, ça a aucune crédibilité. Crédibilité. Moi, j'en trouve bien drôle. C'est genre comme crudité. Oui, mais crédibilité, c'est... Savoureux. Ça passe. Autant que ses légumes. Génial. On continue avec le côté francophone. On n'est plus dans les nouvelles entrées. C'est terminé. On met une croix là-dessus. On y va avec la position 19 du côté francophone. Et c'est stable. Et c'est Petit singe robot de Violette Pie. Au palmarès, c'est fou. Oui. Édition New Shit. C'est toi qui as pété. Petit singe robot, veux-tu être à moi? Veux-tu être à moi? Veux-tu être à moi? Petit panda. Veux-tu être à moi, petit singe robot? Veux-tu être à moi? Veux-tu être à moi? Veux-tu être à moi? Oh, retour, Violette Pie et Outek pendant que Stéphanie se plaint de ses petites graines dans son smoothie. Hein? Je suis pas fan de petites graines. Non. CFOU 89.1. Descendre une place en 18e position francophone. Commençons en 19e, c'était Violette Pie. Et Petit singe robot. Petit singe robot. On se re-rode. C'est le début de la session, on se remet dans le bain, on n'est plus habitué de faire ça comme ça. Caroline, que les choses changent. C'est le fun. Honnêtement, je repense à mon été, je sais pas si j'ai annoncé un palmarès complet. On dirait que j'ai fait comme 2-3 tours ici par là. C'était JP qui faisait ma job parce que j'étais pas là. Où j'arrivais, je savais pas où on était rendu, donc il continuait. Donc j'étais plus une figurante, je trouve, cet été. C'est vrai, mais quand t'étais là, on profitait de toi à mort et on t'appréciait, tu sais. C'était bizarre. Dis de même, hein, c'est ouais, bizarre. Mais ça me va. C'est de même qu'on fait les choses ici. Donc, oui, vous aurez compris, hein, dans l'heure numéro 1 des palmarès, c'est fou, c'est notre heure New Shit. Et on commence par le fond du palmarès, c'est-à-dire le top 20. On va se rendre jusqu'à la position 11, mais pas nécessairement. Au petit, on jouera pas tout là-dedans. Bref, c'est un peu random, mais en haute 11. C'est ça. En haut de 11 ou en bas de 11, c'est pas mal de quel bord tu regardes la palmarès? C'est ça. En haut, en nombre de chiffres de quantité. OK. Mais en bas, si on regarde que le 1 est en haut puis que le 20 est en bas. C'est devenu plate à peu près à la moitié de ce paragraphe-là. Est-ce que tu veux que je continue encore 15 minutes non, comme ça? Non, ça va aller. On retourne du côté francophone. Enfin, on y reste. Tout à l'heure, il y aura Mauve, mais on débute en 17e place. Oui, on parlait de petites graines dans un smoothie. Ça donne bien. On s'en va entendre courir nu de deux pouilles en cavale. Au palmarès, c'est fou! 89 FM. You shit! Yeah. peux jouer ce bout-là, je suis sûr. On va entendre Mauve. Du côté francophone, c'était la pièce Giovanni Cabotti. Et tout juste avant, toujours en côté francophone, c'était Courir nu de Deux Pouilles en cavale. Mm-hmm. On va sauter par-dessus quelques petites affaires. Du côté anglophone, on saute par-dessus la 15e place, Pretty Boy de Young Galaxy. Et en 14e, c'est The Damn Truth et Montreal. Et du côté francophone, on saute par-dessus aussi la 15e place, Des Chauteurs de Force sur ton bras, Des Sœurs Boulées. Et par-dessus la 14e place, Radio Réveil d'Atomic Baobab. Pour en entendre les 13e places du côté anglophone, plus tard, il y aura Miss Mister et Bones qui montent une. Mais tout juste avant, du côté francophone, on va entendre Repose-toi bien de Forêt qui est en 13e place. Oh, dormir dans la forêt comme du camping. Oh, la belle étoile. Ça me rappelle l'été. Quoique j'irai jamais en camping parce que c'est dehors puis dehors, c'est pour les autres. Là. Hein? Les autres. Les autres. Tout le monde sauf moi. Exactement. À l'intérieur, moi, c'est très... Pas le gars. Tetris Inside. Oh! Joke de geek, mais c'est pas une joke. Mais c'est geek. C'est une référence. J'ai traversé le ciel sans dormir. J'attends ton sourire. Je te salue de la main tendue.

Astra et Home en position numéro 12. Deuxième semaine de présence à monter de 7 places du côté anglophone. Du côté francophone, en 13e position, c'était Repose-toi bien de Forêt. Et en 13e place anglophone, c'était Bones de Miss Mister. C'est la fin de cette édition New Shit des Palmarès C'est fou. Pour les auditeurs du jeudi, on vient dans quelques minutes avec l'édition Top 10. Pour ceux qui nous écoutent le lundi, ça rejoue demain. Demain. À ne pas manquer. À ne pas manquer à 17h. Voilà. Restez là pour l'instant. Ben, dans le top 10, il va y avoir entre autres ponctuation. Bear Mountain, Alice in Chains, Alex Nevsky, il y a plein d'autres choses. Et on va peut-être se gâter avec un petit bloc, c'était fou, Steph. Ouh, tu me gâtes, là. Oh oui, je fais ça juste pour toi. Restez là ou partez pas ou volez demain ou peu importe. Autre option quelconque. Vous êtes dans la zone. 99.1. C'est l'édition numéro 2. Des Palmarès C'est fou, c'est l'édition Top 10 avec Stéphanie Paradis. Et avec Mathieu Plante. Oui, notre nouvelle formule qui continue. En passant, si vous écoutez le mardi, bienvenue à vous. On est maintenant lundi, mardi, mercredi entre 17h et 18h. En rappel, mais on est toujours en direct. On enregistre l'émission le jeudi entre 15h et 18h. Partez votre VHS, votre petite cassette. Le bêta aussi, peut-être qu'il y en a encore qui ont ça. Tellement. Et bref, faites donc ce que vous voulez. Mettez-vous une alarme sur votre pagette pour entendre l'émission les jeudis entre 15h et 18h. Ça se peut-tu, ça? Mettre une alarme sur un pagette? Sérieusement, je me le demande. Je suis pas sûr. Mais j'ai jamais connu ça, en fait, le pagette. Là. C'est comme passé... Ben oui, dis donc, je suis vieux encore. Est-ce que t'as eu un pagette, Mathieu? Ben oui, j'ai un pagette. Ouais. T'as un pagette, comme dans la vie? Dans ma poche, en ce moment, ça me gigue dans le pantalon. Bref, donc, c'est l'heure top 10 qui commence et on débute avec les 10e positions. Ça tombe-tu bien? Du côté anglophone, Bear Mountain et Two Step. Et du côté francophone, ça manque de 5 places et Ciao Bye Ciao de ponctuation. Au bon, là, c'est fou! Fais-tu bien, ça? Que je lançais comme une fille, finalement. Je lance plus comme une fille que toi. On lance une boule de papier en studio et elle est sûrement à un mètre de distance d'où elle me visait. C'est bon. On va entendre Bear Mountain, oui, avec Two Step, qui monte de 8 places. C'était une nouvelle entrée dans le précédent palmarès. Et tout juste avant, du côté francophone, c'était Ciao by Ciao de Ponctuation. Mm-hmm. Bref, on a appris bien des choses sur l'un et l'autre pendant cette petite intervention musicale. Intervention musicale, c'est comme le contrat. T'as intervention parlée et t'as interruption peut-être musicale. Mais en fait, c'est pas vraiment une interruption parce que c'est le but de l'émission, c'est d'écouter de la musique c'est et vrai. Non de nous écouter. Une chance, parce que le contenu ici, il est pas tellement présent. Est-ce qu'il y a du contenu, je veux dire? Il y en a pas. Ben, en fait, si tu veux, plus tard, il peut y avoir un peu de semblant de contenu, c'est-à-dire la chronique C'était fou, où on retourne un peu en arrière pour entendre des vieilles pièces des palmarès. Ça reste de la musique quand même, donc c'est vrai. Toujours pas une interruption. Notre seul contenu dans les palmarès C'est fou, dorénavant, c'est en tout cas, le cas échéant jusqu'à nouvel avis, etc., sera Justine Renaud. Et c'est sa chronique qui va porter un autre nom ou encore le même. Je sais pas, je sais qu'elle change de concept, elle, qui aime changer bien des choses à chaque fois qu'on la rencontre, elle essaie quelque chose de nouveau. Mais peut-être qu'elle va procrastiner l'arrivée de son nouveau concept, donc ça reste à voir. Si on suit sur quand elle chialait par rapport à sa chanson thème, ça a pris sûrement 6 mois avant qu'elle en amène une autre. Minimum. Donc, Justine Renaud, la semaine prochaine, dans la deuxième heure, donc l'heure que vous vivez en ce moment, des palmarès si fous. Donc, le mardi. Le mardi, pour ceux qui nous écoutent, en différé, reprise quotidienne. Exactement. Donc, position numéro 9. Du côté anglophone, ce sera Alice in Chains et Hollow qui descend de 4 places. Et du côté francophone, ça monte de 5 places et c'est Tuer le désir d'Alex Nevsky. Je suis morte. Sinon, je joue plus. Exactement. OK, parfait. Tout au palmarès, c'est fou. Édition top 10. 89.1 FM. La beauté gît partout, sauf dans les mots que je veux écrire, que je veux t'écrire. Peux-tu me dire pourquoi je veux me détruire, toujours tout détruire? numéro 9. Skyline, sunken sailman, yeah, from down. Alice in Chains et Hollow. Position numéro 9, ça descend de 4 places. Et du côté francophone, tout juste avant, on a entendu Tuer le désir d'Alex Nevsky. Mm-hmm, toujours dans le top 10 des palmarès, c'est fou et on a toujours bien du fun, hein? Ben oui, on a toujours du plaisir ici. On écoute pas mal plus de musique que cet été. Oui, honnêtement, je sais pas si j'ai eu le temps d'écouter de la musique. À l'émission Assemblage Rocky à la plage que Stéphanie, Jean-Philippe et moi animions cet été. Disons qu'il y a beaucoup de chroniqueurs, beaucoup de contenu. C'est la combinaison entre les palmarès fous et Assemblage Rocky. Pas assez de chaises, pas assez de micros. Non, c'était le free-for-all total dans le fifth wheel, comme disaient mes grands-parents. Ah oui, des sauts de même comme... Dans le fifth wheel. Ou juste comme un patois, au lieu d'un sac, c'est fifth wheel. If free for all on fifth wheel. Donc non, c'est ça, pour ceux qui se demandent où est rendu Jean-Philippe, ben, il est de retour à Assemblage Rocky avec moi-même, Mathieu Plante, du lundi au jeudi, entre 6h30 et 9h30, nouvelle case horaire, et ça commence le mardi 3 septembre. Ouh! Donc plutôt ce matin, si vous écoutez le mardi. Et le reste, faites la conversion sur le Greenwich Mean Time UTC-5 que ça vous tente. On est rendu au 8e place du côté anglophone. C'est Oh, les petits chats de Cat Empire avec Brighter Than Gold qui monte de 12 places. Et du côté francophone, on va entendre Mets ça dans ta pipe de Mimi Van Der Glo. Wow! Sors le tabac, crache-moi ça dans le... Dans le crachoir. Dans le crachoir. J'ai foutu ma maîtresse en club. Ouais, ouais, mets ça dans ta pipe. Tes sourires me font des trous. Le monde s'en dialle dans mon lit. Tu vas en laisser les fantômes ici pourris. Retour Cat Empire, Midi Cayenne Club et Imagineer Cities au palmarès, c'est fou! Ah, ok! C'est dit. C'est fou. 89 à... Numéro 8. Steps in the morning, the two steps in the day, the three steps in the evening, and the darkness is ablaze, and all the angels, seats, and soldiers come step to the parade. I run out like a cheetah, the monk is in the blood, And what a piece of work is man who screams the name of love, but all his brothers, cousins, sisters, and others hear his foes. What none can dream, but light calls it a lie, and all the sinners, saints, and winners just wink and walk on by. The Brando's in the forest, and Nancy's in the flood. The black swan makes it pirouette, the gods cry from above, and all the rain keeps falling on bare feet in the mud. In the west, west, southbound with a beat, and all the lions, brides, and preachers come down into the street. The Calipari, Brighter Than Gold, qu'on vient d'entendre en position numéro 8. Et tout juste avant, du côté francophone, ça a descendu de 3 places. C'est Mets ça dans ta pipe de Mimi Van Der Glo. Mm-hmm. Dans quelques minutes, on aura les 7e places, Billy Cayenne Club et Imaginary Cities. Mais avant ça, Stéphanie, toi, là, tu m'as fait une demande spéciale récemment. Rappelle-nous les faits, là. Rappelle-nous la conversation qu'on a eue, toi et moi, dans un corridor récemment. Lugubre. Lugubre. Je dis, Mathieu. Hey, quoi? Ce serait le fun, me semble, si on pouvait écouter des fois, tu sais, des vieux numéro 1. Quoi? Tu sais, on les aime, mais ils sont où? On s'ennuie. On s'en rappelle quasiment plus tellement ils sont loin derrière nous, mais on les aime. Ben moi, je te dis, Colin, je réponds à ça avec notre bloc fréquent, plus ou moins. Voici C'était fou. Donc, c'était fou, c'est le bloc où on recule un petit peu dans le passé pour revisiter des palmarès des années antérieures. Est-ce qu'on a notre DeLorean pour faire le voyage? DeLorean? Ah, DeLorean. Ça, c'est la voiture dans le Retour vers le futur, là, c'est ça? Ouais. OK. Non, on n'a pas de TARDIS non plus comme dans Doctor Who. Ah, tout ben ce qu'on là. A, c'est un studio confortable. Oh? C'est pas confortable. Confortable dorénavant. Parce qu'avant, t'as pas tout le manque. Donc, c'était fou. On retourne dans la semaine du 15 au 21 avril 2005. 2005? Ça fait combien d'années? J'avais 17 ans, je crois. 17 ans? Colin! Me semble que j'ai terminé mon secondaire 5 dans ce coin-là. C'était il y a 7 ans. Je vais avoir 23 dans ce coin-là. Eh mon Dieu. Donc, 15 au 21 avril 2005. En anglophone, le numéro 1, c'était Champion, DJ Champion. Ah! Avec un extrait de l'album Chill Mall, No Heaven. Mais on va débuter en position numéro 1 francophone. Ce sera la formation Brazilian Girls, qui avait un album homonyme à cette époque-là. Et ça s'appelait Homme. C'est ce qu'on va entendre. Et pour les prochains blocs, c'était fou, Stéphanie. Je te promets de te laisser le droit de choisir quelque chose. Pourquoi que ton historique à toi, c'est fou, c'est depuis le mois d'octobre passé. Je te dirais que ça fait même pas un an encore. Ça pourrait être un petit peu redondant. Mais bon. Brazilian Girls, tout de suite. Dans C'était fou, au palmarès. C'est fou.

c'était les deux pièces qui étaient numéro 1 pendant la semaine du 15 au 21 avril 2005. Dans le bloc, c'était fou. On vient d'entendre Champion, DJ Champion, avec Chill 'Em All, son album, et la pièce No Heaven. On a débuté avec Brazilian Girls et la pièce Homme sur l'album qui porte aussi le nom de Brazilian Girls. Stéphanie, je crois que tu connaissais No Heaven un peu. Oui, mais je savais pas que c'était ça. Ben non, hein? T'sais. Ben c'est tout le temps ça, on connaît une tune, mais on sait pas d'où ça vient. Exactement, et c'est quand même un gros succès de C'est Fou. Donc en 2005, c'était au sommet. Du côté francophone, je dirais que Brazilian Girls, ça a été assez passager. C'était leur One Hit Wonder. Est-ce que tu peux avoir un One Hit Wonder comme pièce, là? Bien sûr. C'est l'artiste qui est One Hit Wonder. Non, non, c'est la pièce qui est One Hit Wonder. Donc, le bloc C'était Fou qu'on va faire une fois de temps en temps ici au Palmarès C'est Fou. En fait, qu'on fait depuis des années une fois de temps en temps, c'est-à-dire une fois par 6 mois. Genre. On va essayer de le faire un petit peu plus souvent, surtout pour renseigner Steph sur la musique du passé. Mais oui, de le passé où je n'étais pas. Et voilà. Il faut croire. Donc, on va revenir au Palmarès Top 20. En fait, on est dans l'heure Top 10 des Palmarès C'est Fou. On est rendu aux 7e place. Du côté anglo, Imagine Cities et Sooner or Later qui descendent de 5 places. Mais tout juste avant, du côté francophone, on va entendre le nœud de Midi Cayenne Club. Oh boy, oh boy. Ok, ce n'est pas mal assez fou. 89 FM, ouais. La peur est un voleur que l'on invite chez soi. Le nœud de la guerre, le nerf de mon cœur, les rêves de ma mère. De nos pleurs, toute la douleur du monde qu'on subit en nous séparant. Le nœud de la guerre, le nerf de mon cœur, l'espoir de mon père, le poids des erreurs, ce ne sont pas les chaînes que j'admire. Le feu de la guerre, le nerf de mon cœur, la tension dans l'air, le bruit et l'odeur, j'aspire à me savoir un os incandescent. C'était Imaginary Cities et Sooner or Later qui descend de la deuxième à la septième place et c'est vraiment, vraiment très bon. Et tout juste avant, du côté francophone, c'était le nœud de Midi Cayenne Club. Tout juste correct, hein? Il me semble que je me suis dandiné un peu. Ouais, là. On se fait aller le popotin. On fait des popotins aussi parce qu'on jase contre les jeux. C'est pas vrai qu'on jase. On fait pas de potins. On fait pas de potins. Bon. Donc, toujours, on parlera C'est fou, édition top 10. Édition top 10. Ben oui, toi. Ça se peut-tu, pareil, ça? Oui. Tu parles d'une invention, d'un concept dont on change toute place, toi? De plastre. Place-toi. C'est virgule toi. OK, de place-toi. Place-toi. J'ai pas de plastre. De plastre. Là, c'est comme un pochoir, hein? Du plastre et un pochoir. Oui. C'est des mots qui sonnent bizarres. Qu'on utilise pas souvent. Ouais, donne-moi des mots qui sonnent. Des mots qui résonnent. Ouais. Pour le numéro 6 du côté anglophone, ce sera ça, Hans, avec Mirror Mirror qui est stable. Et c'est stable aussi du côté francophone avec Don't Get Low de Mr. Valère. Ben là, tu me diras pas quoi faire, Mr. Valère. C'est pas parce que t'es pas caporal Valère, hein? T'es juste Mister. C'est juste un monsieur. C'est pas caporal. Général. Général. En général. Général caporal. Voilà. C'est pas vrai, c'est fou. 89 FM. C'est ça. C'est ça. Tu t'en allais dire. Je prenais mon souffle. Des petits poumons. On va revenir à la fin de la chanson, on va faire. Yes, Mirror, Mirror, stable en sixième. Et en fait, sixième semaine de présence aussi. Donc, 666 pour la formation Sands. C'est un peu bizarre, je trouve. En tout cas, moi, je trouve ça louche un peu. Ben non, c'est pas si louche que ça. Et du côté francophone, c'était Don't Get La de Mister Valère. Voilà. C'est tout pour la portion numéro 2 des Palmarès C'est Fou, l'édition top 10. Si vous écoutez en direct le jeudi, on continue après la pause avec le restant de l'émission. Si vous écoutez le mardi, la suite, c'est demain entre 17h et 18h pour l'édition top 5. Ouh! Ça va être excitant, ça, hein, Steph? Ben oui, c'est comme le meilleur, la crème de la crème. La petite couche de gras sur le top du palmarès. Oui, ou la petite couche sur le bord de pudding. Ah non, ça, c'est pas bon, ça. Parce que David Ferron va être dans cette troisième année. Ah, ok, je comprends. Restez là ou revenez-nous demain. Bye! Vous êtes dans la zone 89.1. C'est fou. C'est les Palmarès C'est Fou, édition top 5 avec Stéphanie Paradis. Et avec Mathieu Plante. Oui, c'est la portion où on diffuse le top 5 au grand complet. C'est d'où le nom, hein, top 5. C'est assez révélateur. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de doute à avoir sur le contenu de la dernière heure. Hein? Exact. Quoique, on pourrait se trouver des petits noms cute. On pourrait demander à nos auditeurs, tu sais, de trouver des noms. Par exemple, David Ferron qui arrive avec nous. Bonjour, David Ferron. Mais bonjour, vous deux. Ça va bien? Ça va très bien? Oui! Oui, je suis content de vous retrouver. Je sais que je le dis à chaque fois, mais je viens pas souvent. Fait que je suis pas content. Ben, t'es un c'est comme ça. Donc, David, on fera tes plugs plus tard un petit peu, mais pour l'instant, on parle des heures des Palmarès C'est Fou. On est maintenant New Shit en première heure. Okay. Top 10 en deuxième heure et top 5 en troisième heure. On cherchait les petits noms cute, mettons steak, blé d'Inde, patate, mettons. Je sais pas, la cerise sur le jeudi, je sais pas. Ok, ouais, là, ça vient maintenant parce qu'on joue lundi, mardi, mercredi. Qu'on a plusieurs la cerise sur le Sunday, mais vous jouez jamais le dimanche. Non, et dimanche ensanglanté, comme ils disent en chanson. Dimanche ensanglanté. Mais c'est pas ensanglanté, dimanche ensanglanté. Peut-être, ouais. Oui, tout à fait. Donc, on va aller entendre notre prochain petit blog. Et après ça, David Ferron, je te promets qu'on fait tes plugs. Parce qu'il veut plugger ses émissions, tu sais. À un moment donné, il faut bien que quelqu'un sache où il joue. Parce que j'espère qu'il va être meilleur pour plugger ses émissions que plugger ses écouteurs. Parce que depuis tantôt qu'il joue avec le son de mes écouteurs, j'y tape sa main. C'est à moi. Voyons, non. En cinquième anglophone, il y aura Zoo. C'est The Ballad of El Gudo qui monte de 3 places. Mais tout juste avant, du côté francophone, ça monte de 2 places et c'est Aïkou Girl de Lila Dissa. Oh oui, on parlera assez fou. On est pas très bon pour les imitations de... De singe? De singe. Tu dois demander à Zwicky, ça a l'air qu'il est bon, les imitations d'animaux. C'est un génie. Qui a une longue queue. De singe? De singe. OK, fille. Yeah. 5. Years ago, my heart was set to live. Oh, and I've been trying hard against unbelievable odds. It gets so hard at times like now to hold on. My guns, they wait to be stuck by, and at my side is God. No one going to turn me around. There ain't no one going to turn me around. There's people around who tell you what they know. There's places they can send you. Et The Ballad of El Gudo qui monte de 3 places en 5e anglophone. Et du côté francophone, c'était Haiku Girl de Lila Dissa. Mm-hmm. Tout à l'heure en 4e, il y aura Navarre et Monster Truck. Mais avant ça, David Ferron, qu'on a introduit tantôt à l'émission. Bonjour toujours. Toujours bon. Ah, bonjour. Oui, rebonjour est une autre belle façon de le dire. Oui. David, la raison contre ça aujourd'hui, outre le fait que tu as déjà été chroniqueur au Palmarès, c'est fou, le temps de quelques semaines, je crois que tu as fait quelques chroniques au Palmarès, c'est fou. Exactement, oui. Mais en gros, on va te retrouver le matin à Assemblage Requis. Et juste parce que toi, tu as besoin d'un environnement dans lequel on te reconnaît. On va mettre ton petit fond, la langue dans ton oreille. Tu l'adores trop. J'aime vraiment ça. Donc, David Ferron, présentons un petit peu ce que tu fais à C'est fou cette session-ci. Ça change un peu quand même. Mentionnons pour commencer ton émission Brancher le monde. Oui. Qui va avoir lieu un nouveau jour et une nouvelle heure. Oui. Est-ce que tu voulais que je donne plus de détails? Potentiellement. Ça pourrait être pas pire. Ah, ok, je comprends. Non, c'est vrai. Qu'est-ce que tu comprends, là? Qu'est-ce que je comprends? C'est ça, avec moi, c'est toujours qu'est-ce que je comprends. En fait, d'après ce que je peux comprendre, c'est que Brancher le monde, d'abord, est une émission qui fait la promotion de l'actualité et de la musique, et ce, partout dans le monde. OK, d'où la portion virgule le monde. Oui, exactement. Et brancher, pourquoi? Parce que j'ai l'habitude de toujours plugger des chroniques ou des émissions. Quelqu'un qui ne saurait pas, mettons, ce que ça voulait dire, aurait juste pensé que tu voulais qu'on se connecte au monde. Oui, c'est aussi. Pas ce que ça veut dire. Ben, c'est bien pensé. Quand même, hein, ça a un double sens, comme, si on veut. Mais c'est parce que c'est pas brancher ER, là. Non. C'est brancher E, accent aigu. Oui. Brancher le monde. Commencé par... Glade. Ça ferait le fun, ça amènerait du bidou. J'aurais de l'argent pour interviewer plein de... Et ça sentirait bon chez toi. Exact. Donc, je dis pas que ça pue chez toi. On n'est jamais allé. De toute façon, je suis jamais allé chez toi. C'est ça, on va continuer comme ça. Donc, le dimanche, entre 17h et 19h, n'est-ce pas? Oui, exactement. Tous les dimanches, en fait, je reprends le créneau qui a été occupé pendant des années par Michel Deschênes avec son émission des oreilles pour écouter. Exactement. Pas des chaînes comme des stations de radio. En fait, son nom, c'est des chaînes comme les arbres. Pour ceux qui veulent savoir à la maison. Donc, dimanche soir, entre 17h et 19h, ça va être Brancher le monde avec David Ferron et des chroniqueurs qui vont, j'imagine, se joindre à cette émission-là à un moment donné. On verra. Oui, exactement. C'est sûr que je peux pas encore confirmer à 100%, mais il y a de l'intérêt de la part de d'autres personnes. Pour faire des chroniques. D'ailleurs, si jamais vous avez une bonne idée de chronique et que vous dites « Moi, j'aimerais ça faire de la radio, j'aimerais avoir une chronique à tous les dimanches entre 17h et 19h », n'hésitez pas à contacter. Ça ferait plaisir. On a une page Facebook également, Brancher le monde. Good. Cherchez ça, brancher avec un accent aigu, virgule le monde. Exactement. Donc, pas Glade. Pas Glade. Non, pas Glade. Non, c'est ça. Si vous voulez plus d'informations sur Glade, cherchez Glade sur Facebook. Ah, ça, c'est comme le yogourt grec d'un chef. Tu sais, la commandite pas subtile, là, je vous expliquerai ça à un moment donné. Wow. Et sinon, tu as aussi ta chronique La langue dans ton oreille à Assemblage Requis, l'émission que j'anime avec Jean-Philippe Charbonneau du lundi au jeudi entre 6h30 et 9h30. Et là, ta chronique va être, est-ce que tu t'es souvenu du jour ou est-ce que je dois t'aider pour ça? Oui, je crois que si je me trompe pas, c'est le lundi à 8h. C'est à compter du 9 septembre 2013. Exactement, parce qu'on n'a pas d'émission la première semaine. C'est le jour du travail, toi. Oui, fait que là, vous travaillez pas, même si c'est l'affaire du travail. Nous, on va être ici. Mais ouais, officiellement, c'est une journée de congé. Je pense que légalement, il faut dire qu'on est en congé parce qu'on n'a pas le droit de travailler à ce jour. Ben oui. Oui, on a-tu le droit? Oui, moi, les hôtels sont ouverts. Il y a des épiceries. Ben non, pas des épiceries indépendantes qui sont ouvertes. Les restaurants, c'est ouvert. Ben oui. Et les hôpitaux, j'espère que c'est ouvert. Déjà, quand c'est ouvert, s'il fallait que ça soit fermé, on n'aurait pas. En tout cas, c'est fou, source d'informations sur les heures d'ouverture. Ben c'est pas grave, le monde qui crée cette journée-là, ça va faire des listes d'attente moins longues. Non, c'est vrai. Est-ce que les usines de Glade sont ouvertes? Est-ce que ça sort quand même? Bon, même s'ils font pas du parfum. OK. Donc, David... Émission est foutue. Shut up. Lundi, 8h, La langue dans ton oreille, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une chronique qui présente 3 chansons francophones. Et chaque semaine, il y aura un thème différent. Par exemple, ça peut être un thème dont les chansons portent le nom Stéphanie ou qui parle de Stéphanie, par exemple. Ou encore des chansons francophones avec de la musique chiptune ou egg-beat. Oh wow, ça m'intéresserait, ça. Il fallait que tu fasses ça. Moi, j'en ai peut-être une toune avec Stéphanie dedans. Ah ouais? Ouais, mais je peux pas t'en chanter, mais tu sais, Stéphanie, non? Ah oui, c'est sûr. Hein? Non, je pense que c'est Stand By Me. Ah! Non, pour vrai, quand j'étais petite, j'étais certaine qu'il disait Stéphanie. Oh, fait que je suis sûre que tu pourrais la passer subtilement. Stéphanie, oh chérie. So chérie. Donc, La langue dans ton oreille, les lundis à 8h dans Assemblage Requis à partir du 9 septembre. Excellent. Voilà. Oui, j'ai hâte de vous retrouver dans cette émission-là, Assemblage Requis. Et manquez-en pas une, parce que sinon, vous allez être mêlés pour le restant de la saison. Beaucoup trop de référents et de choses incompréhensibles. Mais c'est David Ferron, c'est sa personne? C'est incompréhensible. Merci, David. Ben, ça me fait plaisir. C'est moi qui vous remercie pour m'avoir plugué. C'est super plaisant, comme toujours. Alors, position numéro 4 du côté anglophone, c'est l'ancien numéro 1 Monster Truck et Sweet Mountain River. Alors que du côté francophone, ça monte de 4 places et c'est ta cadence de Navarre. J'allais dire ta décadence, mais il n'y a pas de D, c'est juste la cadence. C'est comme David okay. Ferron sans un D, ça ferait Avid Ferron. Avid. Vous êtes au pavard, c'est fou. Tu parles à cadence, le jour et la nuit, elle te L'ancien numéro 1 du côté anglophone, c'était Monster Truck et Sweet Mountain River qui descend de 3 places. Et du côté francophone, c'était Ta cadence de Navarre. Mm-hmm. Il reste environ une demi-heure, un petit peu plus que ça, à cette édition top 5 des Palmarès. C'est fou! Ça passe vite! Mais on sait pas, cet été, on faisait des 4 heures à Assemblage Rocket à la plage. T'sais. Réduire à 3 heures, c'est comme ça passe, je dirais, 25% plus vite. Environ. Plus ou moins, c'est le quart. Mettons. Peut-être plus le quart que 25% selon moi. Oui. D'accord. Donc, position numéro 3 du côté anglophone, ce sera We Are Wolves et Sun qui monte une place. Et du côté francophone, c'est l'ancien numéro 1, c'est Tu t'es mise à crier de Bravo Funkin. Au palmarès, c'est fou, au 89.1 FM! FM! Comme le gumeux qui est le GM. D'accord. Ça se prononce comme ça. We are Wolves the Dang. La question est qui sont nos numéro 1? La réponse après ceci. Are Wolves et Sun. Position numéro 3, ça monte une place et ça prend son temps à finir. Et du côté francophone, ça a descendu de deux places car c'était l'ancien numéro 1. C'est Tu t'es mise à crier de Bravo Funken. Ça fait penser ça, là, excuse-moi, à la pub qui vient juste de jouer à Vie de Recherche. Tu sais, mystérieux comme toi, oui, toi. Et bonne. Donc voilà pour les numéros 3. Il nous reste seulement les 2 et 1 dans les 25 dernières minutes de l'émission. On va peut-être avoir le temps de revenir un petit peu en arrière. Peut-être. Ou de dire d'autres niaiseries. Ah, ben ça, il en manque pas. Hein. Des niaiseries? Ben non, pas toutes. Si vous en voulez plus encore, ben écoutez-nous la semaine prochaine. On va toujours être en direct les jeudis entre 15h et 18h et lundi, mardi, mercredi à 17h. Ou la chronique de David Ferron à Assemblage requis. 100% niaiserie. Non, c'est pas vrai, franchement. Non, 100% non, peut-être. Donc 80% bonne musique. Ça arrive des fois là, que moi je trippe pas. Là, j'allais dire 100% pertinence, c'est certainement pas ça non plus, tu sais. Non, non, peut-être là, pertinence 30%. Environ. La musique, c'est ça, c'est partagé, c'est très. C'est diamétralement opposé, certains. Mais en fait, c'est normal que tu peux pas tout aimer parce que c'est justement pas des genres qui rentrent dans le moule. Non. Donc, c'est normal que ça soit justement, ça va chercher un autre public totalement. Et voilà. Et c'est important que ça existe. C'est bien dit. Donc, La langue dans ton oreille, on le répète avec David Ferron. Ce sera les lundis à 8h à partir du 9 septembre. Mais nous, Assemblage requis, le matin, on recommence le 3 septembre. Lundi au jeudi, de 6h30 à 9h30. Est-ce qu'on l'a assez dit? Prochain numéro 2 du côté anglophone, c'est The Dank. C'est Summer Lovin' qui monte une place. Et c'est stable du côté francophone. On va entendre la pointe de l'iceberg de Lac Estio. Ouh! Capitaine, capitaine! Il y a un iceberg! Cap vers les Trois-Rivières! Aussi. Derrière les routes que l'on emprunte, nos amours échoués, nos passions défuntes, derrière les histoires que l'on raconte, et toutes les autres qui nous font. Construit et la raison les détruit. Derrière nos réflexes, nos instincts nous poussent souvent un peu trop loin. Il y a ce que nous sommes. vous ne voyez que le minimum. Pour le numéro 2 qui monte d'une place. Et du côté francophone, tout juste avant, c'est stable et c'était la pointe de l'iceberg de Lac Estion. Ben, et ben, ne pas mélanger avec La Question, mais c'est Lac Estion. Ouais, évidemment, quelqu'un qui est tout le temps confus par rapport à ça, c'est évidemment Jean-Philippe Charbonneau, où on se demande tout le temps est-ce que c'est un homme qui s'appelle Charbonneau ou est-ce que c'est un char et Labonneau. Hein? Mm-hmm. On se demande tout ça. Ça fait un an que je me pose la question. À peu près, c'est ça. Ouais, on pourrait changer nos pubs plus souvent. Donc, Jean-Philippe Charbonneau, bonjour à toi. Hey, salut. On est content de te revoir dans cette case horaire parce que tout l'été, on a animé les trois ensemble. Ben oui, puis là, il fallait quand même pas qu'on laisse ça tomber pour les 15 dernières minutes. Exactement, exactement. Et moi, je te dirais qu'on risque de se voir fréquemment cet automne. Quelqu'un pourrait même oser avancer à tous les jours. Oui, sauf... Sauf lundi, c'est ça. Et le vendredi. Oui, moi, c'était plus ça. Et samedi et dimanche. Oui, c'est ça. Fait que finalement, on se voit juste trois fois. Ben, ça fait trois ou quatre, ça. On se voit aux fêtes. Ouais, ben oui. L'action de grâce. Avec la parenté puis tout. C'est à peu près ça, les atokas. Oui. On dit. Donc, on va animer, toi et moi, l'émission Assemblage requis. Oui, mais la vraie. La vraie émission, pas l'émission estivale knock-off, copie telle que vu à la télé. Où on pouvait se prélasser. Oh, à la c'était le beau temps. Hein? Oui, mon Dieu, qu'on aimait ça. Mais bref, ça va être du lundi au jeudi entre 6h30 et 9h30 cet automne. On allonge un petit peu le forfait, mais pas pour plus cher. Non, même prix, même combat. Même contenu, en fait, parce que la première heure est préenregistrée. On va être en direct à partir de 7h30 cet automne. Mm-hmm. Donc, une petite demi-heure de plus vers l'avant. Oui. j'irais pour mieux rejoindre la clientèle étudiante. Hein? Oui, puis la communauté, j'imagine. Oui, c'est ça, évidemment. Si on avait à bullshitter, on pourrait... Non, pas. En 7h30 et 9h30, plus facile d'avoir des chroniqueurs étudiants. On rejoint plus les étudiants qui sont pas nécessairement de bonne heure sous le piton. Puis disons-le, nous autres aussi, ça nous donne une petite demi-heure de plus de dodo. De dodo, mais... Mais pour la communauté qui se demande qu'est-ce que je vais écouter avant 7h30, ben c'est ça, c'est quand 6h30 et 7h30, ça va être des meilleurs moments, donc des chroniques que vous avez peut-être manqué le jour d'avant. Évidemment, c'est pas le même public là, à la fin de l'émission qu'au début de l'émission, donc pas vraiment de chance de dupliquer votre Vous ferez jamais comme « Ah, oh, je l'ai déjà entendu. » Encore cette maudite chronique-là. Et ou « Yeah, encore cette chronique-là, je l'aime. » Genre les miennes, mettons, ça, c'est ça. Non, hein? Ben, j'en ai pas une chronique. Non, ben, est-ce que tu vas nous amener une chronique cet automne, JP? Ben, ça se pourrait, je suis en train de réfléchir à ça. Est-ce que t'as un concept? Est-ce que tu veux est-ce que t'as une voie à explorer, mettons? Oui, j'ai la voie à explorer. T'as Charles la fortune d'explorer. Oui, c'est ça. De fond en comble. Ouais! Non, j'ai aucune idée de ce que je vais faire. Je me lance. Ben, planche là-dessus. Ouais, c'est ça. Donc, retrouvez-nous lundi au jeudi, de 6h30 à 9h30, et ça commence le 3 septembre, étrangement un mardi. C'est de même chaque année, là, on commence le jour après l'action de la fête du travail, l'action de grâce. Hein. T'es déjà rendu là? Non, ça, c'est le 14 octobre. C'est le prochain congé, c'est ça? Oui, c'est le prochain congé. Okay. Attends le premier avant de rêver au deuxième. Ah, je vis dans le futur. Moi, je suis un homme des années 2020. T'es un homme robot? Oui. Et un petit singe robot, oui. OK, personne ne fait un commentaire sur mon gigantesque membre... Robotique. Ton bras canadien. Bon, bon. Ouais. Ta plug? Toi, c'est ton petit Québec. Oui, mais sauf que tout le monde aime le petit... Oh! C'est vrai. Steph, ben c'est ça. Moi, j'ai... C'est par en dedans. J'ai pas de bras. C'est ça. 14 cm de profondeur. 14 cm, bon! On l'a plugué. Et motadine. Donc, c'est ça, on se retrouve cet automne. Jean-Philippe, j'ai bien hâte de co-animer avec toi. Oui, je vais avoir peut-être mes lunettes. Je sais pas si tu te souviens, le matin, des fois, j'ai mes lunettes parce que mes... C'est difficile. Parce que tu mets de l'eau dans tes verres de contact aussi. Oui, j'ai plus de liquide. Mais voyons donc, c'est quoi ces affaires-là? Là, ça... Voyons. Mais c'est parce qu'on est naïf. On n'ose pas imaginer que... On espère encore que ça va marcher. C'est ça, que dans la petite bouteille, c'est pas si important que ça. Non, c'est ça. C'est juste pour faire de l'argent, les compagnies pharmaceutiques. Vous êtes des rebelles, c'est ça que vous êtes. Vous êtes des rebelles. Ouais. Hey, il nous reste seulement les numéros 1 à entendre du côté anglophone. Il y aura Set the Whale. Ah, c'est vrai, non. Wow! 1 minute. OK. Wow. Je viens de me rappeler que là, on est de retour à la formule Palmarès, c'est fou. Hein? Donc, le retour de ce titre-là veut dire aussi le retour des jeux de mots poche. On les a pas fait de l'été parce qu'on n'avait pas les deux numéros 1 à entendre. Tu dois avoir fait le plein, là. Je me suis rapatrié. Je me suis... disons que les fantasmes que j'ai eu pendant l'été de faire des jeux de mots, un peu comme j'aurais des fantasmes sur différentes, femmes. J'ai juste mis le mot, là. D'habitude, des jeux de mots, je suis pas supposé dire le titre de la toune, ça. Moi, j'ai juste une image, c'est vraiment aucun rapport, mais j'ai juste une image de toi qui dort, qui te réveille en faisant un cauchemar, en disant comme « Ah! J'ai pas fait de jeu de mots! » Tout en sueur. Je me lève super debout rapidement, un peu comme quand t'es assis puis tu te relèves debout, t'as comme différentes couleurs dans ta tête, ça fait comme « Brrrr! » Différentes couleurs. Le couleur. Ouais, tu vois, lui, il comprend mes jeux de mots, tu sais, des fois. Fait que, en plus, j'ai même pas la feuille. J'ai pas la feuille. Mais je l'aime pour ça. Je l'aime bien gros. Je t'aime bien gros. Jean-Philippe. Ouais. I love you. Là, j'imitais une baleine ici. I love you. Ok. Ça, c'est douteux. La baleine de Set the Whale, parce que la baleine, elle parle. Set the Whale. La baleine a dit. Tu comprends ça? Oui, moi, en tout cas, j'avais compris. Mais pour vous à la maison qui peut-être vous n'avez pas compris parce que vous n'avez pas de feuilles de palmarès devant vous. Ils n'ont pas de feuilles de palmarès. On leur en a pas envoyé une comme au Radio Bingo où on envoie une carte de bingo à tout le monde. Ah, ça serait cool. Hein? Là, on pourrait comme... Tu sais, tu pourrais cocher ta couleur, ta petite couleur de bingo. Oui, puis tout le monde gratte sa petite affaire puis là, ça détermine le numéro 1. Gratte sa petite affaire. Le petit dégratteux. Non, il n'y a pas soumis. C'est plus dégratteux. Je me mêle entre mes gambling addictions. Donc, pour vous à la maison, on s'en va entendre du côté anglophone. La première... Oui? C'est vrai, excuse-moi, je suis pas supposé faire de Q en nom, sinon t'es entends. Whoops. Oui, c'est ça. J'ai comment je m'entends plus. Oh. Je recommence. Du côté anglophone, en première place, ça a monté de 6 places, c'est I Love You de Set the Whale. Mais tout juste avant, du côté francophone, ça monte de 2 places et c'est Femme de Le Couleur. C'est pour ça qu'on va réparer le cul demain. C'est à cause de ça. Ouais, puis faut. C'est très perturbant. Tu sais qu'il rapidement comme ça, réparer le cul. Réparer le cul parce que personne ne va comprendre si on dit plus fort que ça. On fait ça subtil. Répare-toi le cul! Répare-toi le cul! On va te mettre ça dans le cul! Ok, bye! On revient tantôt, là, j'ai dit bye, mais c'est pas vrai. On revient. À tantôt! délicat frôle ta peau d'ébène. On me parle de toi, je ne les comprends pas. Le rideau se ferme et tes lumières s'éteignent. Mais la nuit je rêve de toi sans moi. Tu es parti là-bas. Tu es parti là-bas. J'adorais ce look qui nous donnait ce book. À chaque fois un ennui. Position. I can see the light. grand numéro 1 de la semaine. On vient entendre du côté anglophone Set the Whale et I Love You qui montent de 6 places. Et du côté francophone, on a entendu La Femme de Le Couleur. Mm-hmm. C'est tout pour l'édition top 5 des Palmarès C'est Fou. C'est tout pour les Palmarès C'est Fou en général. Donc, on se retrouve en direct jeudi prochain entre 15h et 18h. Et lundi, mardi, mercredi, entre 17 et 18h. Merci, Jean-Philippe Charbonneau, d'avoir passé une partie de l'émission avec nous. Ben ouais, un petit 15 minutes, là, juste pour dire. Un petit 15 minutes savoureux. C'est, comme, c'est ouais, satisfaisant. C'est ça. Comme ça, je peux dire, ouais, aujourd'hui, je suis allé animer, toi. C'est ça. Ça te remplit un, t'sais, un petit trou dans le bedon. Non, pendant le souper, tu sais. C'est ça. merci, Stéphanie Paradis. Ça fait plaisir. Merci, Mathieu Plante. J'ai oublié David Ferron aussi. Oui, David. En effet. Toujours. Comment merci, l'oublier. Justine, qui va venir à un moment donné. La semaine prochaine, exactement. Donc, c'est ça. Jeudi prochain, lundi, mardi, mercredi, nouvelle formule. Fait que je pense que ça a bien été aujourd'hui. On s'est bien amusé. Pas si pire, hein? Oui, pour vrai, je pensais que ça allait être pire que ça. Ça aurait pu être pire, effectivement. On se quitte avec une pièce bonus, pourquoi pas, du côté anglophone, francophone. Francophone. On s'en va entendre la position numéro 15. Et c'est des shooters de force sur ton bras, des saboulés. Bonus! Bonus round! On crie ça tout ensemble loin du micro. Bonus! Je sais pas qu'il y a du round, mais ouais, je comprenais pas. Mais... C'était round bonus comme partie bonus. Non, non plus, je savais pas ce qui sortait de sa bouche. Ouais. Ben des affaires. De la salive. Eh ben, Mathieu, on se voit mardi. Oui, à mardi. 3 septembre. Mardi 3 septembre. 6h30. Yes. Ah, ah, j'ai pas dit bye. Hormis les choses à leur place. Pas laisser de mots. Juste ma photo en grimace. Ça fait du bien. Un peu de vent dans la face. Ah, ah, je suis cassée tête. J'ai trouvé une coupe de pièces pour aller boire des choux.